C'est pas qu'on sent différent ou bien qu'on juge la vie, mais qu'est-ce qu'on sent loin des champs quand on survole la ville sur son tapis. Et rien des gars de les tirer au fond du métro parisien, mais nous c'est pas pareil, on est crevé quand on se lève le matin. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Au prologue qui s'énerve, accroché à sa voiture à crédit, à chaque feu rouge qui traîne dans les embouteillages le salit, à la fine rayure sur la carrosserie de sa connerie. Cher, si ça que si dur que sa femme à côté se plie. Mon mec c'est un beauf, mais je l'aime quand même. C'est un putain de gros beauf, mais je l'aime quand même. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Sa femme qui fait marcher, elle se tout le télé achat. Les feux de l'amour ou les navets de Foucault, Boissy, Ayala. À croire que ça les arrange de laisser s'agglutiner les cons. Ça fera de l'abruti pour demain, de la chasse, la pêche, des traditions. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Qu'on sente différent, quoique des fois impossible. Nous comprend pas bien les gens, alors on s'exclut de la partie. Un sentiment bizarre que le monde est peuplé de crétins. Mais nous c'est pas pareil, on dit pas qu'on regarde TF1. La fine crème du genre humain qui va son Le Pen au mois de mai, qui rêve de Heider pour demain, qui voudrait faire la peau à tous les grillards de priorité, ou qui paye 100 euros pour voir la Dion ou Johnny Ferrey. À l'idée qu'on se fait du monde et de ses aléas, on est toujours le con de quelqu'un, mais mon voisin le sait pas. Alors quand il ouvre le silence, je monte le son rien que pour lui. Vive les pauvres et vive la France, j'assume ma connerie même la nuit. C'est pas qu'on sent différent ou bien qu'on juge la vie, mais qu'est-ce qu'on sent loin des gens, c'est qu'ils donnent tous ensemble leur avis. Mais nous c'est pas pareil, son avis on le garde pour soi. Pareil qu'on est tous un peu cons et qu'on est un peu plus de trois. Ah, et qu'on est un peu plus de trois. Ah, mais nous c'est pas pareil.